l'amour, c'est la guerre. S'il n'y a pas question de dire non, on n'est plus ensemble et puis on va devenir amis. N'yele, n'yele, n'yele, n'yele, amis ici. Yevou Maga. Hey, hey, hey, hey. Alpha il El Assad, Mister Wiza Black, Allah Wakbar. Ta mère con. Hey, toi et moi y'a plus relation. Je vais te faire disparaître ton Laurent, on dirait forfait de 1 giga à 1000 francs. Chez moi on part de la licence, de ton côté c'est encore le préfet. Ma chérie faut prendre tes distances, sinon quoi. Il était d'abord. Dis-moi mais qu'est-ce qui ne va pas. On te voit de maison en maison pour chercher pipi à aller baiser Africa. Je te donne plaisir ou pas. Si, ouais. Donc faut te calmer sinon t'auras mal. Wizard t'as déjà un mot coussi. Donc faut te barrer, qu'est-ce que tu fous là. Ma ça c'est fini, vu que t'es têtu. Faut pas t'approcher sinon y'a tes punir. Tu dis que c'est petit mais t'as si c'est pénis. Chez moi y'a Louis Vuitton aussi des Gucci. Hey, même si c'est serré ma chérie est coachy. Hey, et fini des moukou ma chérie est silly. Hey, niggas on the track. N'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a n'y